à goût haine cruelle. Venez, venez, il est temps d'éclater. Puis-je autrement calmer une douleur mortelle? Le ciel ne cesse point de me persécuter. Venez, venez, il est temps d'éclater. Dépit, jaloux, haine cruelle. Dépit, jaloux, haine cruelle. Jaloux,